4. Le bon gui. Le vent ayant soufflé longtemps, les chemins des bois, quand vint le matin, se trouvèrent jonchés de branches mortes et aussi, par endroits, de brins de gui arrachés à ces boules d'épaisse verdure qui apparaissent en automne au sommet des arbres sans feuilles, tous pareils à des nids de pies. Deux femmes étaient dans le bois. L'une vieille, si vieille que la peau crevassée de son visage et de ses mains semblait rude comme une écorce, l'autre jeune et si belle que rien en cette saison ne pouvait donner l'idée d'une telle beauté, puisqu'il n'y avait plus dans l'herbe transie ni muguet dont la blancheur se comparât à celle de son teint, ni pervenche couleur de ses yeux. La vieille faisait un fagot pour chauffer sa cabane et cuire son dîner. La jeune, en manière de distraction, ramassait et nouait d'un ruban le gui qui était par terre. Donc il arriva que, l'une musant, l'autre fagotant, toutes les deux se rencontrèrent juste au carrefour des ermites, près du grand bloc de grès, au milieu duquel, à la place d'une croix tombée, on voit maintenant un trou toujours rempli d'eau où les oisillons viennent boire. « Pour du beau gui, v'là du bien beau gui !» s'écria la vieille. « Et donc, Seigneur mon Dieu, qu'allez-vous donc faire de tout ce gui ?» La jeune hésitait à répondre, car, avec ses haillons, la vieille au fagot lui avait tout d'abord fait l'effet de quelque sorcière. Mais ses haillons étaient si propres, et à cette malice se mêlait visiblement tant de bonté qu'ayant pris confiance. « Voici, dit-elle, ce dont il s'agit. Je suis Guillaumette, la fille de maître Guillaume, qui a sa ferme là-bas, par-delà le pont quand on va au village, à l'endroit où la route tourne. Riche maison, da, riche et bénie. Quiconque est pauvre la connaît depuis le temps qu'on y fait l'aumône. Or, écoutez, ma bonne vieille, et puisque l'occasion s'en trouve, ne me refusez pas un conseil. Il y a quelqu'un que j'aime et qui m'a promis mariage. Lui m'aime bien aussi. Pourtant, il ne se presse guère. Alors, ce matin, voyant sur l'herbe et sur la mousse tant de beaux gui à l'abandon, l'idée m'est venue d'en nouer un bouquet que, le soir de Noël, sans que personne n'en sache rien, je suspendrai à notre porte. Comme mon fiancé doit être de la fête et me conduire à la messe de minuit, nous passerons dessous ensemble. Quand on passe ensemble sous le gui, vous savez que l'amour se double et qu'on se marie dans l'année. « je sais, marmottait la vieille, mais nous ne sommes pas à Noël, il s'en manque de deux bons mois. »« Qu'importe, j'aurai provision faite. Le gui se garde pendant des années, d'ici à deux mois, il ne flétrira point. » La vieille s'était mise à rire. « Pour du beau gui, v'là du bien beau gui, bien fleuri, bien branchu, la feuille épaisse, rousse comme l'or. Seulement, peut-être un peu gêné. » « Ces graines sont vertes encore. Faut pas cueillir le gui trop tôt, ni prendre celui que le vent casse. Pour que le gui soit bon et porte chance aux amoureux, il doit avoir subi l'hiver, enduré froidure et gelée, et tenir à l'arbre si fort qu'en l'arrachant l'écorce vienne. La jeunesse ne le croit point. N'empêche qu'il y a gui et gui, comme il y a amour et amour. » Guillaumette était déjà loin, mais la vieille répétait quand même, tout en rechargeant son fagot, « Pour du beau gui, v'là du beau gui, n'empêche qu'il y a gui et gui. » L'année suivante, au même endroit, près de la croix tombée du carrefour des ermites, la vieille chercheuse de bois mort et Guillaumette se rencontrèrent encore. Ce n'était plus, comme l'autre fois en automne, mais la veille même de Noël. L'herbe gelée craquait sous le pied, du givre luisant pendait aux arbres et de gros tas de neige restaient sur le bord des chemins, aux endroits où le soleil manque. La vieille, peut-être à cause de la neige, n'avait pas fagoté ce jour-là. Sa serpe à la main, elle rapportait, non sans peine, un grand fait de gui frais cueilli. Elle reconnut Guillaumette et s'aperçut qu'elle pleurait. « Eh, dis donc, fillette, essuyons ses yeux, ce serait péché que de les fondre. » « Hélas, ma bonne vieille, quoique cela ne serve pas à grand-chose, je vais vous conter mon chagrin. L'an dernier, s'il vous en souvient, j'avais suspendu le gui à notre porte pour qu'en passant dessous avec mon amoureux, son amour se doubla et le décida au mariage. Tout d'abord sembla réussir. À peine le pied sur le seuil, il aperçoit le gui et m'embrasse. Puis, la messe de minuit entendue, avant que l'on se mette à table, il prend mon père dans un coin et fait demande de ma main. « Attendons la fin, Guillaumette. » Les bans allaient être publiés. On avait déjà retenu les ménétriers pour la noce. Mais c'était là trop de bonheur. Une nuit, la rivière déborda, noyant les labours, les prairies, ruinant aux trois quarts notre ferme et nous laissant désespérés. « Alors ?»« Alors, répondit Guillaumette qui mouillait son tablier de larmes, alors, me voyant pauvre, mon fiancé est parti. Et bien qu'on l'ait cherché partout, nous n'en avons plus eu de nouvelles. » « Je vous avais prévenu, Guillaumette, faut pas se fier au Guy Genet. Et puis, les hommes, c'est si traître. De sorte que vous l'aimez toujours ?»« Non, certes. »« Pourtant, vous pleurez. »« Je pleure mon affront, mais on n'aime que qui vous aime. » »« Dans ce cas, fit la vieille en riant, méfions-nous, belle Guillaumette. Je sais quelqu'un. » »« Quelqu'un ?»« Oui, quelqu'un. Pour vieille qu'on soit, on a de bons yeux. » Quelqu'un qui, depuis longtemps, vous aime, bien que vous n'ayez guère jamais daigné y prendre garde, et qui continue à vous aimer sans s'inquiéter si votre dot s'en est allée à la rivière. Le fils du voisin, pourquoi donc rougir, Guillaumette? Ne doit-il pas, ce soir, faire la Noël chez vous? Tâchez, pour voir si le cœur vous en dit, que ce soit lui, le galant, qui, à minuit, vous mène à la messe. Alors, soupirait Guillaumette. Pour le cas où le cœur m'en dirait, peut-être feriez-vous bien de me vendre un brin ou deux de votre gui. Les voilà, ma belle, roux comme l'or, avec des grains en chapelet, plus clairs et plus blancs que des perles blanches. Du beau gui bien net, bien franc, qui ne trompe pas. Car, voyez-vous, ce gui-là a subi l'hiver, enduré froid, dur et gelé, et n'est pas tombé au premier vent. Mais gardez vos sous, Guillaumette, mon gui, aujourd'hui, n'est pas à vendre. Il appartient au fils du voisin qui, dès hier, me l'a retenu. » Et, railleuse, tout en détachant deux brins choisis, la bonne vieille murmurait « Je vous l'avais dit, Guillaumette, il y a Guy et Guy, comme il y a amour et amour. »